mystérieux. Sérieux, on est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout, dans la nébuleuse. J'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille, brille, brille.